Enfin, je suis très heureux de faire votre connaissance. Je n'ai pas besoin de vous souligner que votre arrivée a provoqué quelques surprises. Carnat. De réussite. Avant d'écrire le principal élément. Que je me dois fournir un travail sérieux. Fidèle à moi-même. La force pour les frères. Où est mon trône? Père dans les bâtons. Marie la guillotine, donc dis au team que ça va trancher. Y'a des blessés à déplorer. J'ai envie de bien faire. Carnat. L'histoire ne